Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. On a parlé plus précisément de Supernova avec Thomas Pontdevie. Peut-être, Chloé, nous rappeler que ce travail, ce spectacle, cette création s'inscrit dans un projet plus global de décentralisation de points communs dans le Vexin. De quoi s'agit-il ? En fait, l'idée dans tous les projets qu'on mène et qu'on essaie de développer en décentralisation, c'est évidemment de dépasser les frontières de l'agglomération, même si les partenariats avec les lieux de l'agglomération nous tiennent à cœur. Et dans un département qui est si rural, c'est d'aller à la rencontre des habitants qui sont en tout cas dans des villages plus éloignés, avec moins de mobilité car moins de transports en commun, et d'aller proposer en fait des spectacles et des formes artistiques dans les petits villages. C'est une démarche qu'on avait initiée déjà la saison dernière avec Lettres jamais écrites qui avait joué à Marine. Et effectivement, voilà, ce sont des partenariats qui sont assez longs à mettre en place puisqu'il faut aller à la rencontre des élus, des habitants. Et donc, on est ravis cette saison d'aller à la rencontre des habitants de 8-10 jolis villages pour une des représentations de Supernova qui jouera également au Théâtre 95. Autre actualité à noter d'ailleurs dans ce cadre-là, toujours dans le Vexin, le Trek Danse Vexin qui sera proposé au mois de juin 2020. Oui, tout à fait. Ce sera en fait un peu l'événement de clôture de cette saison 19-20. Donc le parcours n'est pas encore totalement repéré. Et donc, en tout cas, évidemment, c'est dans le Vexin, mais très certainement un petit peu plus loin que 8-10 Jolis Villages. Oui, rendre accessible dans les petits villages la même qualité de proposition artistique que celle proposée dans les grandes villes du territoire. Et quand on dit petit village, preuve en est, 8-10 Jolis Villages, par exemple, ça fait partie des petits villages qui sont dans notre Vexin français. Oui, tout à fait. Après, notre objectif aussi, c'est d'associer les habitants des communes environnantes. Et donc, on a quand même de nombreux petits villages autour de 8-10 Jolis Villages. Après, l'objectif est vraiment de rencontrer ces habitants et non pas de faire venir nos publics habitués à 8-10 Jolis Villages.